Voilà, et bien, donc maintenant, nous allons venir après l'Assemblée générale à la conférence pour laquelle nous avons un conférencier d'une très grande classe et surtout qui était donc procureur général, qui était avocat général, qui a fait toute la carrière jusqu'aux échelons les plus élevés de la magistrature et qui a toujours eu un faible pour l'histoire de l'Alsace et en particulier pour les institutions protestantes. Et aujourd'hui, donc, il me propose de nous entretenir d'un sujet encore peu connu, l'unité dans la diversité, un pari osé, l'Église protestante unie de France, création et perspective. Et donc, sans m'attarder, cher ami, je vous donne la parole. Merci. Bien, mesdames, messieurs, on m'avait demandé, il y a déjà pas mal de temps, de vous parler ce soir de la création et des perspectives de l'Église protestante unie de France, qui est toute récente, puisqu'elle date de cette année, finalement. Et j'ai intitulé cet exposé « L'unité dans la diversité, un pari osé ». Et vous comprendrez pourquoi je pense qu'il s'agit d'un pari osé. Comme vous le savez tous, depuis la réforme du XVIe siècle, le protestantisme continental est divisé en deux grandes familles confessionnelles, le luthéranisme et le calvinisme. La première, bien sûr, se réfère à Martin Luther, la seconde, essentiellement au réformateur Jean Calvin. Et des églises nationales ou régionales se sont alors constituées, les unes réformées, les autres luthériennes. Lorsqu'en 1801, je saute toutes des siècles, lorsqu'en 1801, Napoléon Bonaparte, après avoir signé le concordat avec le Saint-Siège, a voulu concéder aux protestants de France des avantages analogues, il a chargé un conseiller d'État, M. Portalis, de consulter des notables réformés et luthériens pour préparer un projet d'organisation. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que d'août à novembre 1801, et d'ailleurs à l'initiative d'un luthérien alsacien, Jean-Ulrich Metzger, et avec l'accord de Portalès, c'est un régime commun qui a été étudié, prévoyant une union des réformés et des luthériens de France, ou au moins une fédération. Les réformés d'Alsace, à cette époque-là, étaient entièrement d'accord et soutenaient le projet. Mais c'est un réformé du Midi, le pasteur Rabaud Dupuis, délégué des réformés méridionaux, qui s'est opposé fermement à ce projet d'union, ce premier projet d'union. Lors de sa première rencontre avec Portalis, le 22 novembre 1801. Dès lors, Portalis a opté résolument pour des organisations distinctes, et c'est ainsi que la loi du 18 Germinal an 10, le 8 avril 1802, portant article organique des cultes protestants, qui est toujours en vigueur chez nous en Alsace et en Moselle, a entériné cette option et a instauré dans la République française, deux églises protestantes, une église réformée et une église de la confession d'Augsbourg, donc luthérienne. Quelques années plus tard, après la révolution de 1848, qui a mis fin au régime de la monarchie de Juillet, les luthériens d'Alsace se sont réunis à Strasbourg en assemblée constituante pour réorganiser leur église, puisque dès l'origine, les articles organiques n'avaient pas satisfait tout le monde. Et, à la demande des réformés de Paris, cette fois-ci, ils ont envisagé, là encore, de réunir les deux églises, réformées et luthériennes. Mais un grand nombre de délégués ont considéré qu'ils n'étaient pas mandatés pour un tel projet, et celui-ci est tombé en quelque sorte à l'eau, d'ailleurs comme toute l'Assemblée constituante, puisqu'il n'en est rien sorti que des projets qui ont été ultérieurement et très partiellement repris par le futur Napoléon III en 1852. À la suite de l'annexion de l'Alsace-Lorraine à l'Empire allemand, de 1971 à 1918, les églises protestantes françaises se sont trouvées dans une situation encore plus complexe et à certains égards figée. Puisqu'en effet, après 1918, nous avions quatre églises, deux réformées et deux luthériennes. Mais alors que les églises réformées d'Alsace-Lorraine et l'église de la confession d'Augsbourg d'Alsace-Lorraine sont des églises d'État ayant un statut de droit public, l'église réformée de France et l'église évangélique luthérienne de France sont, elles, séparées de l'État depuis 1905 et ont un statut associatif de droit privé. Il est donc extrêmement difficile, voire impossible, de créer une union désormais entre ces quatre églises, car ces deux types de statuts, publics et privés, sont incompatibles. Néanmoins, ces églises sont toutes les quatre membres de la Fédération protestante de France, et surtout elles disposent d'une plateforme commune depuis de nombreuses années, le Conseil permanent luthéro-réformé, devenu aujourd'hui la communauté protestante luthéro-réformée, le sigle CPLR, qui, très curieusement, a le statut d'association de droit local alsacien-mosellan. Ces quatre églises, et c'est cela le moment le plus important, ont signé en 1973 la Concorde de Leuenberg, par laquelle les églises luthériennes et réformées d'Europe se sont reconnues comme étant en pleine communion. Et cela a été un tournant dans la vie de ces églises. Alors je citerai simplement deux articles de cette concorde de Leuenberg qui me paraissent particulièrement intéressants pour notre sujet d'aujourd'hui. L'article 2, je cite, « L'Église a pour unique fondement Jésus-Christ, qui par la communication de son salut dans la prédication et les sacrements, la rassemble et l'envoie. C'est pourquoi, selon la conviction des réformateurs, la condition nécessaire et suffisante de la vraie unité de l'Église est l'accord dans la prédication fidèle de l'Évangile et l'administration fidèle des sacrements. » Fin de citation. Vous voyez, ça c'est le principe qui fonde la communion. Et alors l'article 45, lui, va davantage dans le concret et dans le juridique. Je cite, « Une unification qui porterait atteinte à la pluralité vivante des formes de la prédication, de la vie cultuelle, de l'ordre ecclésial et de l'activité diaconale et sociale contredirait l'essence de la communion ecclésiale conclue par la présente déclaration. D'autre part, dans certaines situations, le service de l'Église peut pousser à une unification juridique en raison d'une dépendance entre témoignage et ordre. Si l'on tire de la déclaration de la communion ecclésiale des conséquences sur le plan de l'organisation, il ne faudra pas porter atteinte à la liberté de décision des églises minoritaires. » Fin de citation. Après la Seconde Guerre mondiale, et d'une façon très pragmatique, les églises d'Alsace, les Cales et les Râles, s'étaient déjà rapprochées, créant notamment de nombreux services communs, puis, plus récemment, un conseil commun et une assemblée commune pour gérer tous ces services communs, et le tout était organisé sur la base d'un strict paritarisme. En novembre 2003, ces mêmes églises ont décidé d'aller plus loin et de former, conformément à l'article 45 de la Concorde de Leuenberg, une union entre elles, chacune conservant cependant ses structures propres, mais en leur superposant une assemblée et un conseil commun auxquels les églises ont délégué une partie de leurs attributions et de leurs moyens. Et c'est un décret du 18 avril 2006 qui a entériné cette décision des Églises en créant officiellement l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, l'UEPAL. Juridiquement, il s'agit là d'une fédération d'Églises. Alors, à l'intérieur, ou en vieille France, comme on voudra l'appeler, la situation s'est décantée plus lentement et plus tardivement. Et je vais donc aborder maintenant, premier chapitre, la marche vers l'Union. C'est l'Église réformée de France, et l'Église évangélique luthérienne de France ont entrepris ce rapprochement institutionnel seulement au XXIe siècle. Leur statut associatif et leur indépendance par rapport à l'État auraient dû a priori laisser penser que la tâche serait plus facile qu'en Alsace et en Moselle. Or cela n'a pas du tout été évident, car la loi de 1905, et on l'ignore un peu trop, à laquelle ces églises sont soumises, est particulièrement contraignante. C'est un synode national de l'Église réformée, tenu à Soissons en 2001, qui a lancé le processus en affirmant, je cite, « son désir de rendre plus visible la communion ecclésiale qui unit les églises luthériennes et réformées signataires de la concorde de Leuenberg ». Fin de citation. Et le synode général luthérien de Bourg-la-Reine en 2003, donc 2 ans plus tard, a répondu en quelque sorte en disant et en demandant au conseil, je cite, au conseil exécutif et aux 2 conseils synodaux d'encourager toute forme de rapprochement et de collaboration avec l'Église réformée de France, tant au plan local ou régional que national. Fin de citation. En janvier 2004, les 2 directions d'Église, suite à ces vœux des synodes, ont chargé une commission commune de faire des propositions en vue d'une meilleure collaboration, d'une utilisation plus rationnelle de leurs moyens respectifs et d'une plus grande visibilité de la communion et de l'engagement au service de l'Évangile. Cette commission a travaillé et a remis un rapport en février 2005 proposant d'étudier cette fois un modèle d'union institutionnelle entre les 2 églises. C'est un nouveau pas en avant qui est fait et les directions d'église créent un nouveau groupe de travail mixte chargé de proposer un ou plusieurs modèles d'union. Car en effet, et le groupe de travail s'y est plongé, les modèles d'union sont extrêmement variés. On pourrait même dire que les perspectives sont infinies. Néanmoins, le groupe de travail a repéré 7 principaux types d'union possibles qui allaient de la simple collaboration plus ou moins institutionnalisée à l'absorption ou la fusion pure et simple. Et le groupe de travail a écarté parmi toutes ces options celle qui conduirait soit à un appauvrissement en ne faisant pas droit à une diversité théologique et spirituelle légitime, donc là c'est un premier rejet, soit conduirait à une multiplication des échelons de décision, ce qui, pense-t-elle, alourdirait les structures. Et c'est un peu ce qui a été fait ici en Alsace-Moselle. Et à l'unanimité, le groupe de travail a proposé de créer une nouvelle union nationale qui devait se substituer aux 2 unions réformées et luthériennes déjà existantes, et cette nouvelle union nationale devant regrouper des régions confessionnelles, soit réformées, soit luthériennes, qui chacune conserverait leur structure de l'époque, aussi bien régionale que consistoriale et locale. Donc on n'aurait pas touché aux structures régionales, consistoriales et locales, mais seulement aux structures nationales. Et c'est ce modèle qui a été adopté lors d'une session commune du synode national réformé et du synode général luthérien qui s'est tenu à Sochaux du 17 au 20 mai 2007. Chaque synode a alors adopté dans les mêmes termes la décision suivante. je cite, de mettre à l'étude dans les églises locales et les synodes régionaux et d'inspection le projet de nouvelle union nationale organisée en régions confessionnelles, soit luthériennes, soit réformées, mais disposant d'instances nationales uniques, synodes, comités directeurs, commissions des ministères, commissions synodales. Fin de citation. Et dès lors, on constitue plusieurs groupes de travail, dont l'un est chargé de préparer la nouvelle constitution de la future Église, ainsi que les nouveaux statuts des associations cultuelles. Un autre groupe qui est chargé de travailler sur la future commission des ministères communes et le statut des pasteurs. Et un troisième groupe qui devait rédiger une déclaration d'union marquant les grands axes de la foi commune. Et je vais maintenant me centrer uniquement sur les travaux du premier groupe, dit institutionnel, qui comprenait quatre personnes, deux réformés, deux luthériens, parmi lesquels un seul juriste et trois théologiens. Au départ, l'objectif de ce groupe de travail était très clair. Il s'agissait, en effet, de prévoir pour les deux églises, ERF et ELF, le regroupement de leurs moyens en vue d'un témoignage commun dans la cité et en vue aussi de manifester leur unité sous la forme d'un synode national et d'un conseil national commun. Mais, au départ, chaque confession devait en principe conserver une certaine marge d'autonomie sur la base des régions confessionnelles dont on a déjà parlé et aussi par le moyen qui avait été également envisagé par les synodes de collèges confessionnels au sein du synode national unique pour un certain nombre de décisions particulièrement difficiles ou sensibles. J'en arrive donc à mon deuxième point, la préparation et l'adoption des textes constitutifs de l'Église protestante unie de France. Ce groupe dit institutionnel, dont j'ai fait partie pendant 2 ans, a décidé de prévoir une constitution en 3 parties. C'est simple, cela répondait aux vœux des synodes de Sochaux. Une première partie intitulée « Dispositions communes » où seraient regroupés tous les textes sur les instances nationales communes, puis une partie « Dispositions luthériennes » où seraient repris en les adaptant les textes spécifiques alors en usage pour les instances régionales, consistoriales et locales, et enfin une troisième partie intitulée « Dispositions réformées » qui reprendrait elle aussi les textes de la discipline de l'ERF, toujours pour ces instances régionales, consistoriales et locales. Alors le groupe a commencé par le plus difficile, c'est-à-dire la réflexion sur la composition du synode national commun. À cet égard, la difficulté, elle était grande à surmonter, c'était l'extrême disproportion qui existe entre l'ERF et l'ELF sur le plan numérique. Par exemple, l'Église réformée de France, avec 250 000 membres, alors que l'Église évangélique luthérienne de France n'en avait que 21 500. Donc l'ERF représentait 92% des fidèles de la future Église unie. L'ERF toujours, avec 440 pasteurs, contre 49 dans l'ELF, représentait 90% du futur corps pastoral unifié. Et enfin, avec 492 associations cultuelles, alors que l'ELF n'en avait que 49, l'ERF représentait encore 91% des paroisses de la future Église unie. Il fallait donc pouvoir garantir une réelle représentativité à l'élément luthérien au sein du synode unique et d'autre part assurer le respect de la minorité qu'il représente. Le groupe a donc proposé d'accorder aux luthériens un nombre de sièges au synode commun compris entre 10%, c'est leur représentativité réelle, et 20%, c'est la représentation que nous estimions nécessaire pour assurer la représentation vraiment de la minorité. Je passe ici sur les modalités complexes de désignation du nombre de délégués par région qu'il a fallu mettre en place pour parvenir à ce résultat. Mais on y est parvenu. Par ailleurs, pour respecter la tradition luthérienne qui prévoit des délégations composées de deux laïcs pour un pasteur, mais aussi la tradition réformée qui, elle, compose ses délégations d'un laïc pour un pasteur, vous voyez que cette proportion des laïcs n'est pas la même, le groupe a proposé une formule qui ouvre les deux possibilités et qui donc laisse à chaque tendance confessionnelle la possibilité de conserver sa tradition, en disant que le nombre de pasteurs délégués au synode unique ne devra pas être inférieur au tiers ni supérieur à la moitié des délégués. D'autre part, comme cela avait été demandé par les synodes de Sochaux, le groupe de travail a prévu, dans son projet de constitution, la possibilité pour les membres du synode uni de siéger en collèges confessionnels distincts pour débattre de certaines questions particulièrement sensibles, comme la révision de la constitution, la modification des confessions de foi ou des liturgies, la modification des statuts types d'une association cultuelle, et enfin toute question qui toucherait à l'identité profonde de l'une des deux confessions. Nous en étions là dans notre travail lorsque, réunis à nouveau en commun à Bourg-la-Reine en 2009, les deux synodes réformés et luthériens demandaient quelque chose de supplémentaire, à savoir, je cite, « d'étudier dès à présent les modifications institutionnelles nécessaires si deux synodes régionaux envisagent la mise en place par la suite d'un synode uni. » Donc, on envisage désormais la possibilité non plus d'avoir des régions purement confessionnelles, mais même des régions mixtes. Alors, le groupe de travail institutionnel a été invité à prévoir la possibilité de régions biconfessionnelles. Cette modification du modèle initial pourrait éventuellement signifier, à terme, que l'Église unie de France ne serait plus composée que de régions réformées d'une part et de régions biconfessionnelles d'autre part, sans plus aucune région luthérienne. Ainsi, par exemple, dans l'hypothèse d'une région biconfessionnelle réalisée entre la région Est de l'ERF et l'inspection de Montbéliard, les réformés se trouveraient très minoritaires. Mais par contre, dans l'hypothèse d'une région biconfessionnelle regroupant la région Île-de-France de l'ERF avec l'inspection de Paris, ce sont les luthériens qui seraient tout simplement écrasés par le nombre des réformés. Et alors la disproportion est radicale. Ainsi, avec cette évolution du schéma initial, du point de vue juridique, nous passions d'un projet respectueux de l'identité et de l'autonomie des divers partenaires à un projet beaucoup plus unificateur qui ne laisse à la confession minoritaire qu'un espace de respiration précaire et une marge d'autonomie résiduelle. En effet, si on va jusque-là, la tradition luthérienne n'aurait plus de lieu propre de réflexion, de débat et de décision. Or, il me semble qu'un tel lieu est indispensable, notamment pour éclairer les délégués luthériens au synode national uni. D'autre part, du point de vue théologique, la nouvelle constitution ne me semble plus s'inscrire pleinement dans la perspective d'unité dans la diversité qui est celle de la concorde de Leuenberg du 16 mars 1973, notamment telle qu'elle a été précisée dans l'article 45 dont je vous ai donné lecture au début. En effet, il faut voir que s'opposent ici deux interprétations de ce texte de référence et deux compréhensions de l'unité dans la diversité. Pour les uns, la diversité est considérée comme une richesse et elle doit être préservée dans toute la mesure où elle n'est pas séparatrice. Pour les autres, la diversité c'est une épine dans la chair de l'unité, et elle doit être évitée chaque fois que cela est possible. Avec les dernières orientations retenues, dans l'hypothèse de région biconfessionnelle, c'est le second regard, bien entendu, qui l'emporte, d'où un risque d'appauvrissement du protestantisme français, comme aussi du dialogue œcuménique, dans lequel la voie luthérienne, me semble-t-il, est essentielle. J'ajoute qu'on a encore rajouté dans la voie vers la fusion, en fait, puisqu'on a même été jusqu'à prévoir la possibilité de consistoire biconfessionnel, et enfin la possibilité que des associations culturelles luthériennes soient intégrées dans un consistoire réformé. Vous voyez qu'on est allé très loin dans ce projet de constitution, qui finalement a été adopté par une assemblée commune réunie à Versailles en mars 2012, qui a adopté le projet de constitution et les projets de statut. Et cela a été entériné officiellement par les deux synodes réunis en commun à Belfort du 17 au 20 mai 2012, où ces textes ont été formellement adoptés par les deux églises pour créer l'Église protestante unie de France. Voilà sur le processus de création qui, vous voyez, a été complexe et a évolué en cours de route dans un sens qui, moi, personnellement, ne me convenait pas. C'est pour ça que je ne suis pas resté dans ce groupe institutionnel jusqu'à la fin. Alors, quelles sont les perspectives? Ce sera mon troisième point. Nous lisons dans la déclaration d'union qui précède la Constitution elle-même. Le paragraphe suivant, je cite: « En confessant la foi de l'Église universelle, Jésus-Christ est le Seigneur, l'Église protestante unie de France se reconnaît comme l'un des visages de l'unique Église du Christ et participe à la mission d'annoncer l'Évangile au monde en parole et en acte. » Vous savez sans doute que le premier synode de l'Église unie s'est tenu à Lyon cette année, du 8 au 12 mai. Et en introduction à ce synode, le président de l'Église protestante unie, le pasteur Laurent Schlumberger, a déclaré, je cite, « L'Église protestante unie n'a pas sa fin en soi, mais dans un renouveau de sa mission, de son service. C'est le motif pour lequel elle a été créée. » Fin de citation. Comme vous voyez, l'objectif proclamé de l'Union est bien d'annoncer l'Évangile au monde en regroupant à cet effet les moyens disponibles et en affichant une unité institutionnelle dans le but de paraître plus crédible dans le monde où nous vivons et notamment face aux médias. Le pasteur Jean-Arnold de Clermont, qui est l'ancien président de la Fédération protestante de France, a déclaré à ce propos, je cite, « Dans une société sécularisée, le témoignage commun permet d'avoir une parole plus forte, plus audible. » Son successeur, le pasteur Claude Batty, a lui parlé de, je cite, « sortir d'une période d'enfouissement où l'on vivait sa foi sans en parler. » Fin de citation. Et enfin, l'actuel président de la Fédération protestante, le pasteur François Claveroli, a lui constaté que, je cite, « l'Évangile pousse les églises à se présenter telles qu'elles sont, avec le besoin de dire leur foi publiquement. » L'Union s'inscrit donc résolument dans une perspective théologique, sachant que l'unité de l'Église n'est pas une œuvre des hommes, mais un don de Dieu. L'idée force qui a présidé à la constitution de l'Église protestante unie de France est bien celle d'un recentrage sur la mission essentielle de l'Église chrétienne, à savoir l'évangélisation. Et pour mieux remplir cette mission, elle a effectivement réuni ses forces au sein d'une structure institutionnelle unique avec un corps pastoral unifié. L'idée est belle et le projet, il faut le dire, est ambitieux. Certains, pourtant, ont émis des réserves et s'interrogent sur la pertinence d'une telle réforme et aussi sur la véracité des intentions affichées. Ainsi, le sociologue Sébastien Fatt, qui est un spécialiste des églises évangéliques en France, écrit notamment, il est assez dur, je cite, « Contrairement aux discours entendus, y compris à l'occasion de la constitution de l'autoproclamée Église protestante unie de France, la réalité, qu'on se garde bien de dire aux fidèles, est souvent, d'abord, de procéder à des économies d'échelle. » Donc, sous-entend que le motif réel, c'est de procéder à des économies parce que les deux églises étaient à bout de force sur le plan financier. Mais il ajoute, je cite encore, « Les protestants n'interprètent pas le commandement « qu'ils soient un » de manière institutionnelle, mais de manière spirituelle. Aujourd'hui, alors que les institutions sont en crise et que le spirituel prospère, le contexte est plus porteur que jamais pour une diversification protestante accrue plutôt qu'une uniformisation institutionnelle. » Fin de citation. Donc, pour lui, le sens de l'histoire, c'est plutôt une diversification croissante des églises protestantes plutôt qu'une uniformisation institutionnelle. D'autres théologiens ont également soulevé des réserves, mais sur un autre plan. Ils soulignent que si aujourd'hui les églises se rapprochent sur le plan doctrinal, au point effectivement de promouvoir des unions organisationnelles ou structurelles, elles s'éloignent par contre sur le plan éthique, au risque d'entraîner des ruptures dramatiques. Et ainsi, dans l'histoire récente, plusieurs églises protestantes ont brisé leur unité sur la question, ô combien d'actualité, de la bénédiction de mariage de personnes du même sexe. C'était le cas notamment aux États-Unis, de l'Église luthérienne. Or, cette question a déjà été fixée à l'ordre du jour de l'Église protestante unie de France et devrait aboutir à une décision du synode en 2015. Alors, est-ce que ce sera un point d'achoppement? Nous verrons. Je conclurai rapidement en disant que le modèle de l'unité dans la diversité proposé par la Concorde de Leuenberg est sans aucun doute novateur et bien entendu chargé d'espérance. Mais combien difficile à mettre en œuvre, car il s'agit d'assurer un équilibre extrêmement délicat entre les différentes confessions qui s'unissent. La création de l'Église protestante unie de France est dû à un rapprochement espéré depuis très longtemps, mais qui a très certainement été accéléré par le dynamisme des églises évangéliques qui ont, ces dernières décennies, réveillé le protestantisme historique. Elle s'inscrit dans la perspective de l'unité dans la diversité, mais, je crois, c'est mon opinion personnelle, elle porte nettement l'accent sur l'unité. Il faut espérer donc qu'en dépit de la pente naturelle de l'esprit français, la diversité ne sera pas finalement totalement sacrifiée sur l'autel de l'unité et que le modèle institutionnel choisi ne souffrira pas du rejet actuel de toute institution dans une société de plus en plus parcellisée et individualiste. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, je remercie l'avocat général Jean Wolff de cette brillante conférence et en particulier d'avoir souligné toutes les difficultés que pose finalement cette voie vers l'unité du protestantisme français. Alors, je suis certain qu'il y a dans l'Assemblée des curiosités que vous avez su éveiller. Et je voudrais demander à ceux qui souhaitent poser des questions de se manifester. Alors, qui est-ce qui souhaite ? Oui ? Marc. Je me suis demandé, à vous entendre, surtout à vous entendre dans vos conclusions, si cette unité entre les églises institutionnelles ne va pas finalement rendre plus difficiles les contacts, bon, disons œcuméniques, avec les groupes, disons charismatiques ou autres, qui depuis longtemps ne sont plus vraiment intégrés aux églises institutionnelles. Oui, je crois que bon, c'est là une des difficultés, puisqu'il y a deux évolutions en sens inverse. Du côté des évangéliques et des charismatiques, c'est des petites communautés qui sont pratiquement indépendantes les unes des autres, alors que les églises historiques vont dans le sens d'une réunion, d'une union, voire d'une fusion. Et évidemment, c'est deux trajectoires différentes. Ça peut éloigner encore un peu plus les unes des autres. Et c'est un des problèmes que suscite cette création. Alors on verra à l'usage, on va voir à l'usage comment les choses vont se mettre en place et se passer. Mais il y a effectivement une difficulté avec les évangéliques et les charismatiques, mais il y a à mon sens aussi une difficulté avec le catholicisme dans le dialogue œcuménique, parce que en tout cas au plan français, la voix du luthéranisme va être beaucoup moins audible. Or dans le débat avec les catholiques, le luthéranisme a quand même un rôle de pont important à jouer, et il l'a fait notamment en signant la fameuse déclaration sur sur la justification. Bien, autre question? Non, je vous ai assommé. Vous avez donné quelques chiffres sur les protestants réformés et luthériens. Mm-hmm. Qu'en est-il en Alsace-Moselle? Ah ben, la proportion est inversée, c'est les luthériens qui sont de loin les plus nombreux, mais je pense qu'elle est quand même pas aussi grande qu'à l'intérieur. Hein. Et en absolu, alors? Pardon? Je veux dire en absolu, en nombre de protestants. Ah ben, on dit qu'il y a 250 000 luthériens et 50 000 réformés, c'est à peu près. Mais c'est très. En fait, c'est des chiffres qui datent des derniers recensements où on parlait de la religion. Or, bon, ça a dû baisser depuis. Hein. C'est dans les 30 000 les réformés. Oui. Et je pense que les luthériens, s'ils atteignent 200 000 maintenant, ça doit être bien. Ben, on n'a plus de chiffres aujourd'hui, vraiment précis, depuis qu'il n'y a plus de recensement prévoyant la confession. Mais je rappelle que le dernier recensement sur ce point date de 1962. Oui, donc les choses ont beaucoup évolué depuis. Non, la loi a supprimé l'obligation au moment où on s'inscrit dans sa commune de résidence d'indiquer sa confession. Ça a eu lieu jusqu'à... Oui, mais ça va plus loin. Il est interdit dans les recensements de mentionner la religion des gens, donc on peut plus avoir de statistiques précises sur la question. On a les statistiques des églises qui sont plus ou moins bien établies. Hein. Ça dépend beaucoup du niveau local. Donc les membres cotisants, les membres inscrits. Oui, alors en plus on fait la différence. Il y a les membres cotisants et puis il y a les sympathisants, les membres non cotisants qui sont quand même là. Alors c'est très difficile. Avec le recensement, c'était clair, les gens déclaraient qu'ils étaient luthériens, réformés, catholiques, juifs ou athées, c'est tout. Là maintenant, on a... si, il n'y aurait que les cotisations comme élément objectif, mais on sait très bien que les cotisants, ça représente une petite minorité des gens qui adhèrent plus ou moins à une confession. Hein. C'est Miguel. Oui, puis ça en Alsace, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Le nombre de cotisants et finalement quand même, se sentant quand même rattachés à... Oui, à l'intérieur, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, parce que, vous savez, la proportion des cotisants dans les paroisses, elle est faible. Et parmi les cotisants, ceux qui cotisent sérieusement, c'est encore plus faible. Oui. Non, je voulais vous poser la question, on parlait tout à l'heure des relations... entre l'Église protestante unie, donc il y a difficulté dans les relations avec les autres églises, style évangélique, charismatique, ou bien dans le dialogue ecuménique. Et qu'en est-il des relations avec les instances mondiales, les luthériens ayant toujours été bien ancrés dans la famille confessionnelle. La Fédération luthérienne mondiale. Côté réformé, c'était peut-être un peu... L'Alliance réformée n'est pas, n'a pas le même poids que la FLN, mais est-ce que la création donc de l'Église protestante unique ne va pas compliquer Ça complique beaucoup, oui, mais d'un autre côté, pour l'instant, il est prévu que l'Église protestante unie adhère aux deux. Elle est dans la Fédération luthérienne mondiale, puisqu'elle comporte des luthériens, et elle est dans l'Alliance réformée mondiale, puisqu'elle est massivement réformée. Alors comment pratiquement ça va fonctionner, s'organiser, je n'en sais trop rien. Côté luthérien, il y a quand même l'alliance luthérienne entre l'église de la confession d'Augsbourg et l'ancienne Elf, qui subsiste. Là aussi, je ne sais pas comment ça va fonctionner, puisque l'Elf, en tant que tel, n'existe plus. Mais il y a pour l'instant toujours, les inspections luthériennes existent toujours, hein, pour l'instant. Ils n'ont pas fait de... C'est prévu dans la Constitution la possibilité de faire des régions biconfessionnelles, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Pour l'instant, il y a toujours deux inspections luthériennes, Montbéliard et Paris. Donc, c'est eux qui vont être les correspondants de la Fédération luthérienne mondiale, comme de comment ça s'appelle déjà, cette alliance luthérienne française. La NELF. La NELF, voilà. Je cherchais le sigle. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. Mais maintenant, c'est le jour où il y aura des régions biconfessionnelles dans l'Église protestante unie de France. Je ne sais pas comment ça pourra subsister, ces liens avec la Fédération luthérienne mondiale ou avec la NELF. Parce qu'il n'y aura plus d'instances purement luthériennes à l'intérieur. Il n'y aura que des régions biconfessionnelles. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais c'est une évolution possible et qui posera des problèmes, oui, sur ce plan-là. Des relations avec les grandes institutions mondiales. Monsieur Grapp. Vous avez dit que pendant le processus d'élaboration de cette église, de cette fédération qui devient une union, il y avait eu un tournant, finalement, au bout de deux ans, puisque vous étiez parti sur un modèle d'unité et de diversité, et on passe à un modèle qui prône beaucoup plus d'unité que de diversité. Et vous avez dit que vous êtes retiré à ce moment-là. Qu'est-ce qui a joué, en fait? C'est une pression des réformés qui, se sachant minoritaires, ne voulaient pas d'un modèle qui soit... sachant majoritaire, n'ont pas voulu d'un modèle qui laisse une place suffisante à la minorité. Est-ce que c'est un consentement des luthériens qui n'ont pas perçu cela? Est-ce que c'est assez étrange comme évolution? Oui. Je pense, enfin, c'est encore une opinion personnelle, hein, mais moi j'ai ressenti comme ça que l'Elf ne s'est pas défendu du tout et a donné son aval à toutes les propositions qui étaient faites du côté réformé. Et dans le groupe de travail, c'était très clair, puisque nous étions quatre, deux réformés, deux luthériens. Et bon, sur le plan luthérien, j'ai été le seul à défendre la diversité. Mon collègue luthérien allait à fond chaque fois avec les desiderata des deux réformés. C'était-il montbéliardais? Je vous interromps là-dessus. Oui, c'était un montbéliardais. Ah, oui, non, mais non, c'était pas un montbéliardais, pardon. Non. C'était un Alsacien de Paris. Mais bon, c'est pas une question de personne, mais je crois qu'il représentait. Il représentait l'orientation de la direction de l'Elf. Et parmi les réformés, il y avait un laïc qui a une conception extrêmement centralisatrice et unitaire et qui a beaucoup poussé dans ce sens-là. C'est un petit peu le jacobinisme français qui se manifestait là, hein. Et bon, bah, tout seul contre trois, j'ai pas pu lutter efficacement. Et quand j'ai vu que bon, ben, mes remarques ne menaient à rien, j'ai démissionné, c'est tout. J'aurais souhaité au moins, c'était le minimum que je demandais. Bon, moi, je veux bien, comment dirais-je, m'incliner devant la majorité, c'est pas le problème. Mais j'aurais voulu que les opinions divergentes soient notées, de façon que les synodes aient quand même devant eux une alternative. Bon, un projet présenté par la majorité du groupe et éventuellement des propositions différentes de la minorité. Mais là, le groupe de travail a proposé un projet qui était ficelé, et finalement les synodes n'ont eu qu'à approuver ce projet ou à le rejeter. S'ils l'avaient rejeté, évidemment, c'était tout le projet d'union qui prenait un retard de quelques années ou disparaissait. Donc c'était un petit peu mettre les synodes, enfin moi je le pense, devant le fait accompli. On leur proposait un projet unique, ficelé, sans alternative possible. Bon, je regrette que ça soit passé comme ça, parce que je crois que c'est pas vraiment l'esprit de la Concorde de Leuenberg. Mais... c'est ainsi. On peut pas être plus royaliste que le roi. C'est ce que j'ai dit à la direction de l'ELF, à son président. Bon, moi je suis pas d'accord, ben je m'en vais, et puis c'est tout. Faites ce que vous voulez. Mais enfin, bon, tout le gros du travail sur la partie nationale était fait. C'était rédigé, c'était prêt. C'est le reste, c'est-à-dire les régions biconfessionnelles, les consistoires biconfessionnels, etc. Alors là, je n'y étais plus. Bien, Christian. Oui, le fait que les luthériens n'aient pas réussi ou n'aient pas voulu se faire entendre, ne peut-il pas provenir de ce que, d'une part, le corps pastoral était déjà depuis longtemps uni, hein, dans les faits, et dans l'église, dans l'inspection de Montbéliard, il y a des pasteurs d'origine réformée. Tout à fait, oui, oui. Et de toute façon, la tradition luthérienne de l'inspection de Montbéliard est moins orthodoxe, si on peut dire, que celle de Paris. Alors, est-ce que... je crois que le côté montbéliardais, on est peut-être moins... c'est plutôt historique que confessant, hein, du point de vue luthérien. Autant que je le connaisse, cette inspection, enfin, cette région, et... est-ce que ça a pu peser dans l'orientation, finalement, oui, de moi, consentement des luthériens dans... Moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, la distinction très forte entre l'inspection de Paris et l'inspection de Montbéliard a joué. Ça, c'est clair, oui. Bien. Encore une question? Eh bien, si ce n'est pas le cas, nous allons nous en tenir là pour ce soir. Et je voudrais encore une fois remercier notre conférencier pour ce brillant exposé qui nous a tous permis donc d'apprendre un certain nombre de choses sur l'évolution du protestantisme français en cours. Voilà. Bonsoir et bonne rentrée. Merci.